Celui qui aime une personne s'aime lui-même. Ah, et ça, c'est histoire, y'a Nzambe na banana yé. Mon colonie va reposer à Nzambe, c'est très difficile. Merci, ah merci à Denis Abdallah. Force! Denis Abdallah et papa na Denis Sete. Aïe, wayo, bolingo, et ça c'est robotama. Et poisson ya bolingo, et zanga, solution standard. Ya mwe la tisina moku ya botu ya bomwana ngai. Maman Suzanne, Mère Nadine, Mike Denis Joani. Yo ne ome sanisa ki nga mabe denibe. Yo moko kotisa ki nga na regime ya vanurison. Mate midi swa ngai jante bra. Solo yanzo tunayo ipananga eza oxygène. Nazali bebe libele nanga bolingo. Wadu ya bolingo wa bande pozina. Na bele liyo seku na nofranche ne balamu na yo. Bolingo eza lilita ya bumbu. Boyanga ye komi ya kufayi. Sœur Magui, Andou, Karine Paul. Yo ne ome sanisa ki mama bebe libe. Qui n'a la régime à battre. Matin, midi, soir, Aïna, ma boko, maillot. Solo yamso, ton aïeul, et pananga, et sa oxygène. Nazali, bébé, libele, nanga, bolingo. Adoya, bolingo, wabandi, cosina. Nabele, lio, sekou, nano, frangene, balamou, naïo. Bolingo, zali, lita, ya bongui. Ouyanga, et komia, liwa. Yosaouda. Ah Nzambe, Otiki Biso, la sœur Wapi, maman Edith Lucie Tito. Ala, bonaba musulman, Yesu Masia, bonaba Christo. Religion nangai, Deni Abdallah et Deni de Abdallah. Ilou Sarlabou, Yemedino, DGON. Yangana. Bakelanga lolanga bakela yo, mon père c'est Jean-Louis Bakabadio. Juranga na telama, ta patara lien na telama du matin jusqu'au soir. Ta ronda pour te passer la lokola, basimi basera ka crise. Mwana sambe, hey, hey. Je te dis, reste plus de petits oiseaux dans le nid. Na tela tela, Christian Oko, Timi Bruno. Fatigué, fatigué, fatigué, fatigué, colère. Oh oh. Si taïkwe beba aviko anjoana. Yangana Serge Gazaya Dinar Congo Roméo Ngué. Carré à Félix.